الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. Chapitre numéro 38, à propos de la parole d'Allah. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarot, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans un égarement. Dans ce chapitre, l'auteur va nous montrer que fait partie du tawhid le fait de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le prendre en tant que juge dans toutes nos affaires et nos divergences, et le fait également de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et à sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، إلى غير كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم، وإلى غير سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم قدح في التوحيد. كما أن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد. Le fait de revenir à autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à autre que son messager, lors d'une divergence, affecte le tawhid. Et son contraire fait partie du tawhid. Le fait de revenir à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, au Coran, de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre dans le tawhid. Lorsqu'il y a une divergence entre nous, à quelle base nous devons revenir pour juger? Comment départager entre ceux qui se disputent, entre ceux qui ne sont pas d'accord dans une affaire? En revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au Coran, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui reconnaît l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, l'unicité d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager envoyé, se doit de revenir au Coran et à la sunna dans toutes ses affaires. Fa at-tahakum ila shar'illahi subhanahu wa ta'ala fardun lazimun. Et ne pensez pas que le Coran a été révélé uniquement pour être récité, pour être mémorisé et pour prier avec dans la prière. Le Coran, sans aucun doute, a été révélé afin qu'on le lise, qu'on le médite, qu'on l'applique. Mais entre dans cela le fait de revenir à ce Coran pour juger entre nous. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى et le grand-père de Cheikh Saleh al-Sheikh, le Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى, un des anciens muftis, nous dit que fait partie de la grande mécréance des plus évidentes, le fait de prendre autre que les lois d'Allah et de les mettre au même niveau que les lois d'Allah, et que ce qui a été révélé sur son noble prophète et messager digne de confiance, le fait de prendre autre que les lois d'Allah, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que juge entre nous pour nous départager dans nos affaires. Donc celui qui prend autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sunna, lui élève ses lois faites par les hommes au même rang que la législation et ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Sans aucun doute, cette personne aura mécru. Donc celui qui refuse de prendre pour juge la révélation et qui préfère autre chose à cela, sans aucun doute, il a annulé son islam. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين وجوب تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن وتستلزم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. هذا من مقتضى الشهادة. Donc l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin de vous montrer l'obligation de revenir au Coran et à la Sunna afin de juger entre nous dans toutes nos divergences, et pour nous montrer que parmi ce que comprend l'attestation de foi et ce que nous devons faire après avoir reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de revenir au Coran et à la Sunna pour juger entre nous dans l'ensemble de nos affaires. Ce chapitre a un lien direct avec le chapitre passé. Ce chapitre est comme la continuité du chapitre passé. Dans le chapitre passé, l'auteur nous a montré la gravité de prendre, ou plutôt d'obéir au gouverneur et au savant lorsqu'il rend licite ce qu'Allah a rendu illicite et qu'il rend illicite ce qu'Allah a rendu licite. Et dans ce chapitre, il nous montre que nous devons revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au Coran et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui de son vivant et à sa sunna après sa mort, pour juger entre nous. قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله. Dans sourate Al-An'am, Allah nous dit le jugement n'appartient qu'à Allah. Il nous dit dans sourate Ghafir, le pardonneur, فالحكم لله العلي الكبير. Le jugement appartient donc à Allah, l'élevé, le très grand. Dans un autre verset, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. Est-ce qu'auprès d'autres qu'Allah, je pourrais chercher un juge? Donc tous ces versets nous montrent qu'Allah Azza wa Jal est le seul maître et le seul juge. Et qu'à sa législation, nous devons revenir pour départager entre nous dans toutes nos affaires. Allah nous dit dans le Coran, Inna anzalna ilayka al-kitaba li tahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Le Coran a été également révélé pour qu'on juge avec ce Coran dans l'ensemble de nos affaires. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, nous avons révélé sur toi le livre afin que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a montré. Donc, ça doit être notre base à laquelle nous revenons. Fil aqaïd, fil ibada, في المعاملة في الخصومات في كل شيء. Donc on revient au Coran dans toutes choses, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les transactions et le commerce, que ce soit dans les divergences qu'il peut y avoir entre nous. هذا من تحقيق الشهادتين. Cela fait partie de ce que comprend le sens de la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Et le fait de chercher à juger par autre que cela, et le fait de chercher comme juge à Tarut, alors qu'il nous a été ordonné de mécroire au Tarut. Donc celui qui prend autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui accorde la même place qu'on doit accorder au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci aura pris un tarot en tant que juge. Allah nous dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَأَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez dans une chose, ramenez-la à Allah et au messager. Les exégètes du Coran nous disent ramenez-la à Allah, c'est-à-dire au Coran, et au messager, c'est-à-dire à sa personne de son vivant, en fait d'aller le voir pour lui demander, pour qu'il juge entre nous, et après sa mort, c'est de revenir à sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un hadith, عند أبي داود والنسائي, إن الله هو الحكم وإليه الحكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, Allah est celui au qui revient le jugement, c'est lui le juge. Donc l'auteur a cité plusieurs versets dans ce chapitre. Le premier, le verset de Sourate An-Nisa, à partir du verset 60. Alam tara, n'as-tu pas vu? Hada istifham, ta'ajjub wa istinkar. C'est une phrase à la forme interrogative qui a pour but l'étonnement de la gravité de ce qui est fait ici et également le fait de blâmer et de faire des reproches à ceux qui se sont comportés ainsi. Alam tara wal khitab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui à qui on s'adresse dans ce verset, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Ici, on a cité le mot prétendre, yaz'umu. L'anna al-ma'niyina bihadahum al-munafiqoun. Alladhina azharu al-islam wa abqanu al-kufr al-akbar. Donc ils prétendent avoir la foi, et en réalité, ils n'ont pas la foi. Ici, il s'agit des hypocrites. L'hypocrite est celui qui montre et fait apparaître l'islam, mais en réalité cache dans son cœur la mécréance. En réalité cache dans son cœur la mécréance. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. Donc les hypocrites témoignent de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec leur langue, mais Allah Azza wa Jalla les a démentis, car ils n'ont pas dans leur cœur ce qu'ils ont dit avec leur langue. Ces gens-là prétendent être des croyants. لكن افعالهم تكذب اقوالهم. Si ce n'est que leurs actions viennent démentir leurs paroles et dévoiler le contenu de leur poitrine. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. Ils prétendent croire à ce qui t'a été révélé. Ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran et la Sunna. Allah dit en Coran, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة Dans Surat An-Nisa, Allah dit, Allah t'a révélé le Coran et la sagesse. Le tafsir du mot la sagesse dans ce verset, c'est la sunna. Donc il prétend croire en tout cela. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ et ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire au prophète avant toi. يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Donc après avoir prétendu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui lui a été révélé et à ce qui a été révélé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent prendre pour juge at-tarut. Ils veulent prendre pour juge at-tarut. At-tarut huna kullu man hakama bima yukhalif shar' Allah. At-tarut fi hadhihi al-aya kullu man hakama bima yukhalif hukm Allah wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam. At-tarut ici, c'est tout ce qui vient contredire le jugement d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le mot At-tarut de manière plus générale, et comme nous l'avons déjà étudié dans le Usul Salatha et dans le début de Kitab al-Tawhid, la mère définition, et donc At-tarut, le ratan, min At-Turyan, Jawazatul Had. Donc At-tarut, dans la langue arabe, c'est tout du mot At-Turyan, qui est le fait de dépasser les limites. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'était une définition, les savants disent que c'est la meilleure. Kullu ma tajawaza bil abd hadda min ma'boudi ou matbou'i ou muta'a. Tout ce dans quoi le serviteur dépasse les limites, que ce soit dans l'être adoré, dans l'adoration, celui qui est suivi, min matbou'i ou ma'boudi ou muta'a, ou bien obéi. Celui qui dépasse les limites, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le suivi, que ce soit dans l'obéissance, sera tombé dans cette calamité. Wallah musta'an. Yuriduna an yatahakamu ila at-tagut wa qad umiru an yakfuru bihi. Alors que ce qui leur a été commandé est d'y mécroire. Ce qui a été commandé aux gens, c'est de mécroire au tagut. Wa yuridu ash-shaytan an yudhillahum dalalan ba'ida. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Il leur embellit le mal. Il les encourage et les pousse à chercher en tant que juge autre que l'île d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit que le mot shaytan ici, c'est un jins. Et ici, de manière générale, ça englobe shayatin al-ins ou shayatin al-jinn. Ça englobe tous les démons et tous ceux qui s'éloignent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains et parmi les djinns. Donc l'auteur nous dit ensuite Al-Ayat jusqu'à la fin des versets. ثمة للفائدة نقرأ أو أقرأ هذه الآيات مع ما مع شيء مما ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. La suite, et lorsqu'on leur dit, donc lorsque des gens disent aux hypocrites, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Donc lorsqu'il y a une divergence et qu'on les appelle à revenir au jugement d'Allah, on les appelle à revenir au jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, quelle est leur réaction? Allah nous dit, Yasudduna anka sududa. Ils s'écartent loin de toi. Ayyuriduna anka i'rada. Se détournent complètement de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا » Comment, c'est-à-dire agiront-ils, quelle sera leur situation quand un malheur les attendra? Malheur dans leur dunya, comme la pauvreté, la maladie ou autre, ou dans leur dîn, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains, c'est-à-dire le fait de délaisser le jugement d'Allah, le jugement du messager sallallahu alayhi wa sallam, le fait de ne pas revenir au Qur'an ni à la sunnah pour juger entre eux, ainsi que leurs péchés. Puis ils viendront alors près de toi, c'est-à-dire lorsqu'ils seront touchés d'un malheur. Ils reviendront vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Nous n'avons pas voulu s'éloigner de ton jugement, s'éloigner du Qur'an. On a voulu la conciliation, on a voulu unir entre le chemin des koufars, le chemin des croyants. Et ça, c'est l'habitude des hypocrites. Lorsqu'ils se font dévoiler, ils reviennent vers les gens de la vérité pour prétexter tout plein de choses et essayer de se sortir de cette mauvaise posture. Donc les gens du faux, à chaque fois qu'ils font le mal et qu'Allah Azza wa Jal les dévoile, ils reviennent et essayent de se sortir de cette situation en prétextant avoir voulu le bien, ne rechercher que le bien. Comme on le verra, inshallah ta'ala, dans les versets suivants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا » Voilà ce dont Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Dire comme nifaq, comme khida', comme makr, c'est-à-dire comme hypocrisie, comme complot. Ne leur tiens donc pas rigueur. Exhorte-les. Khawwifhum billah, dhakkirhum billah. Wa illam yastajibu fahadha fahadhi takun iqamatan lil hujja aw iqamatul hujja alayhim. Donc rappelle-leur Allah, fais-leur peur avec les signes d'Allah. Et si, même s'ils ne te suivent pas, car ceci sera la preuve. Ceci sera la preuve qui enlèvera toute excuse yom al-qiyam. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se détourner d'eux. Et ça, c'est une humiliation pour les munafiqs. Parce que dans cela, il y a tahqir. Ils n'ont aucune valeur. Ils ne méritent pas qu'on leur prête attention. Alors on se détourne d'eux. Exhortez-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. N'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant, repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent pleinement, complètement à ta sentence. Tout ce contexte nous montre l'obligation de revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger dans nos affaires. Et que la personne n'aura pas la croyance authentique tant qu'elle ne préférera pas revenir au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt qu'au jugement des autres. Et que celui qui prend autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses affaires aura pris at-tarut en tant que juge. Wallahu musta'an. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala yunkir ala man yidda'a al-iman wa ma'a dhalik yurid an yatahakama fi fasl al-mukhasamat ila ghayri kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bal yurid an yatahakama ila at-tarut. Donc dans ce verset, Allah azza wa jal réprimante et blâme ceux qui, tout en prétendant la foi, veulent pour juge autre que l'élu d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur divergence. Et ces gens-là, lorsqu'on les appelle à la vérité, ils s'en détournent. Ils s'en détournent de par l'orgueil qui habite leur cœur. Ils se détournent du livre d'Allah et de sa législation. Et lorsqu'ils sont dévoilés, ils reviennent en citant plein d'excuses pour s'innocenter de ce qu'on sait désormais d'eux, an-nifaq. On tire de ce verset wujub at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ar-ridha bidhalika wa at-taslim lah. On tire de ces versets l'obligation de prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'agréer ses jugements et de s'y soumettre. من تحاكم لغير شريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى ذلك. Celui qui prend pour juge autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas croyant et n'est pas un réformateur, même s'il prétend cela comme l'ont fait les hypocrites. Celui qui prend pour juge autre que l'élu d'Allah et la sunna du prophète sallam aura pris pour juge at-tarut. Wujub al-kufr bit-tarut, l'obligation de mécroire au tarut. At-tahdhir min kayd ash-shaytan, il y a une mise en garde contre les tentations du shaytan, les manigances du shaytan, les pièges du shaytan. Et que le shaytan essaye d'obstruer le chemin pour le fils d'Adam qui mène à la vérité. Man du'ya ila tahakum ila manzal Allah wajab alayhi ijaba wal qabul fa inna al-i'rad an dhalik huwa an-nifaq. Et d'important, c'est que celui qui est appelé au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une affaire pour juger et départager, il a l'obligation de répondre à cet appel. Il a l'obligation de répondre à cet appel. Car se détourner du Coran et de la sunna lorsqu'on nous y appelle pour juger entre nous, entre dans l'hypocrisie. Ceux qui font ça sont des hypocrites, comme on l'a lu dans ces versets. Une faïda qu'Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala a cité à la fin du sharh de ce verset, l'explication plutôt de ce passage. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fil Hamawiyya. Il nous dit qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est dans un de ses livres Al-Hamawiyya, un livre connu, tantabiq tamaman, yani hadhihi al-ayat tantabiq tamaman ala ahli at-tahrif wa at-ta'wil fi sifatillah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que ces versets peuvent parfaitement être utilisés contre les gens de l'innovation qui ont altéré le sens des noms d'Allah et de ses attributs, qui ont altéré le nom ou bien qui ont altéré l'essence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Al-Mu'tazila, Al-Ash'ari et d'autres. فإن هؤلاء يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول وإلى الرسول يعرضون يسدون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان. Ils prétendent croire en Allah et au messager. Pourtant, lorsqu'il y a une divergence, on les appelle à revenir au Coran et à la Sunna, ils disent non, on revient à la parole d'un tel et d'un tel. وإذا عُرض عليهم قالوا نريد الإحسان والتوفيق. Et lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux, alors ils disent nous n'avons voulu que le bien et unir entre les différentes paroles, unir entre la raison et les textes. Retiens bien que le fait de revenir au Coran, à la Sunna pour juger entre nous, c'est dans toutes les affaires. C'est dans toutes les affaires. Dans l'adoration, par exemple. Dans la ibad, hein, certains disent qu'on peut adorer les saints. Certains disent qu'on peut se rendre auprès des sorciers et ainsi de suite. فَنَتَحَاكَمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lors de ces divergences, nous devons dire revenons au Coran et revenons à la Sunna auprès d'une personne de science, afin qu'il juge entre nous selon ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé sur son prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et on trouvera يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On trouvera إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فصل لربك وانحر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا في عبادات كثيرة متنوعة. On verra que dans le Coran, Allah nous ordonne de l'adorer lui uniquement. Il nous met en garde contre l'adoration d'autre que lui. Il nous montre que d'adorer lui d'un culte sincère, c'est le tawhid. Et donner l'adoration autre que lui, c'est du shirk. Et que celui qui l'adore d'un culte sincère ira au paradis. Et celui qui lui donne des associés dans le culte ira en enfer. Donc dans l'adoration, on revient au Coran et à la Sunna. Dans l'aqid, hein, certains disent qu'Allah est partout. Certains disent qu'Allah est nulle part. Certains disent que celui qui montre de son doigt le ciel, l'élévation, qui met son doigt vers le haut pour dire qu'Allah est en haut, il est sorti d'ici. Certains disent que celui qui dit qu'Allah est en haut ou que celui qui dit qu'Allah est au-dessus des cieux, il sort de l'islam. Subhanallah, ces gens-là, indirectement, ils ne savent pas qu'ils insultent le prophète sallam. Car c'est le prophète sallam qui a dit cela. Ils remettent en cause le Coran, car Allah azza wa jalla dit dans le Coran, Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Il nous dit également, Amintum man fis sama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux? Il nous dit également, c'est vers lui que remonte la bonne parole. Et vers lui que monte la bonne action. Ou bien il élève également la bonne action. Donc dans plein de versets du Coran, Allah nous montre qu'il est en haut, il est dans l'élévation, il est au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, on est revenu encore au Coran. De la même façon dans le jugement, dans les divergences, on revient au Coran, on revient à la Sunna. Pour l'héritage, pour le divorce, pour les crimes, et ainsi de suite. Dans toute chose, on revient au Coran, on revient à la Sunna. Et beaucoup, parmi ceux qui ne font que répéter « ni al-hukmu illa lillah » et qui passe sur les gouverneurs et qui essaye de rendre mécréants la plupart de la communauté, les gouverneurs et les gouvernés, Il ne cesse de parler de ce sujet. Mais dans les choses les plus importantes, ils ne reviennent pas au Coran et à la Sunna. Dans Tawhid fil Ibad, ils ne citent pas Tawhid al-Uluhiyya. Ils ne mettent pas en garde contre le shirk dans l'adoration. Et ils sont en train de parler sur les gouverneurs, alors qu'on égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal dans leur entourage, dans leur famille. Et ils se taisent. Ils parlent sur les gouverneurs qui sont loin d'eux, peut-être dans d'autres pays, alors que dans leur famille, on se rend chez les devins et chez les sorciers. Donc, At-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas que dans certaines affaires, c'est dans toute la religion. C'est dans toutes nos affaires. Dans l'ibad, dans le mu'amalat, dans le hukm, dans le jugement, dans toutes choses. Et on ne délaisse pas une part pour une autre part. On dit que dans toutes choses, on doit revenir au Qur'an, on doit revenir à la sunna. Que ce soit les gouverneurs ou que ce soit les gouvernés. Et dans le verset, on nous dit وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le diable veut les égarer très loin dans leur égarement. Donc ça n'est pas une chose à minimiser. Le fait de revenir à Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam dans le jugement, c'est une chose très grave. مُنَازَعَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ فِي حَقٍ مِّنْ حُقُوقِهِ الْخَاصَّةِ. Car la personne qui fait ça aura disputé Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui lui est propre. Al-hukm. In al-hukmu illa lillah. Donc dans ce verset, l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu lui montrer la gravité de revenir à autre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam dans nos affaires pour juger, et que le fait de se détourner de cela et de vouloir volontairement autre qu'Allah et son messager pour juger dans nos affaires fait partie des caractéristiques des hypocrites, de ceux qui n'ont pas de part dans l'islam et de ceux qui qui ont mécru. Le second verset, qawlu wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah dit dans son livre, la traduction, et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs, nous faisons que le bien. La yazal al kalam fi hadhihi al aya an hal ahl al nifaq. Donc ce second verset est toujours concerne toujours les hypocrites, et c'est un verset qu'on connaît tous au début de sourate al baqara. Donc lorsqu'on leur dit, c'est-à-dire al-munafiqun, lorsqu'on dit aux hypocrites, la tufsidu fil ard, al-ifsad fil ard yakun hissiyan. Donc le fait de semer le désordre sur la terre, ça peut être de manière concrète, comme la destruction des maisons, des foyers, des routes. D'accord, semer le désordre de cette façon, et ça peut être de manière abstraite. Bil kufri billahi al-azim wa shirk wa al-ma'asi. Ça peut être de manière abstraite, comme al-shirk, la mécréance, le polythéisme, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ensemble des péchés. Donc lorsqu'on leur dit délaissez le kufr, délaissez les péchés, délaissez le désordre sur la terre, ils répondent, innama nahnu muslihun. Nous ne faisons pas partie des gens qui sèment le désordre sur la terre. Nous ne sommes que des réformateurs, des gens de bien qui veulent le bien. Wa a'zamu al-ifsad al-ishrak billah al-'azim. Et le pire désordre qu'on sème sur la terre, c'est le polythéisme, le fait d'adorer autre que celui qui a créé cette terre, qui l'a planie pour lui. Subhanallah. أعظم الإفساد الإشراك بالله العظيم. Le pire désordre et la pire corruption qu'on sème sur la terre, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le polythéisme de manière générale. Et le désordre qui est visible n'est que le résultat du désordre abstrait avec les péchés et le shirk. Donc, parmi le désordre sur la terre, ash-shirku billah, c'est même le désordre le plus grave. Et entre dans ash-shirku billah, at-tahakum ila ghayrillahi subhanahu wa ta'ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wa ittikhadhi hakaman ghayrallahi wa ghayr rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wa an nunazzilahu manzilata madha shar'illahi subhanahu wa ta'ala. Donc entre dans le plus grand désordre, ash-shirk. Et entre dans le shirk, le fait de prendre pour juge autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, et de lui accorder cette place, la place de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on retiendra que at-tahakum ila ghayri shar'illah min al-ifsad fil ard. Le fait de revenir à pour nous, dans nos affaires à autre qu'Allah, à autre que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait partie du désordre et de la corruption semée sur la terre. Et quelle plus grande corruption y a-t-il que le fait de contredire ce pourquoi Allah azza wa jalla nous a pris. توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباد. Donc entre dans le shirk, le fait de prendre autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala pour juge et de revenir à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos affaires, puis lui accorder la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à ses paroles la même place que les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le désordre apparent sur la terre n'est que le fruit et l'effet du désordre ma'anawi abstrait qui est le shirk, le kufr et les péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dans sourate Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le désordre et la corruption est apparu sur la terre et la mer de ce que les mains des gens ont fait, afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire comme mal. Donc la cause du désordre, c'est quoi? C'est les péchés, c'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que la cause ne soit ce que vos mains ont avancé. Ouais, Afouan Kathir, il pardonne beaucoup. C'est-à-dire que les malheurs à lesquels nous sommes touchés ne sont qu'un peu du résultat de nos péchés. Ne sont qu'un peu du résultat de nos péchés. Allah pardonne beaucoup. Wallah musta'an. Allah nous dit également, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Et si Allah avait saisi chaque personne pour le péché qu'il a fait, il n'aurait laissé aucun dos sur cette terre. Il n'aurait laissé aucun dos sur cette terre. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Donc comment est-ce que répondent les hypocrites lorsqu'on les conseille? إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Nous ne sommes que des réformateurs. في أن المبدل غالبا يزين باطله. Donc, on voit à travers cette parole que la personne du faux et l'hypocrite, personne de l'innovation, les gens du faux de manière générale, essayent de véhiculer leur mal en l'embellissant. Ils véhiculent leur mal en l'embellissant. Comme a dit l'imam Ahmed et d'autres parmi les savants, si les gens du faux étaient venus avec un faux clair, un faux total, personne ne leur a accepté. même chez les ignorants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils embellissent le foie avec une partie de vin. Ils changent les noms. Au lieu de dire alcool, d'accord, ils vont dire eau de vie. Au lieu d'appeler deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, ils vont dire pax, ils vont dire concubinage, ils vont dire des mots qui ne sonnent pas faux à l'oreille peut-être, pour minimiser l'action. Donc les gens du faux utilisent la tromperie, la ruse pour véhiculer leur faux. In aradna illa ihsan, comme on disait pour Ibn, nous n'avons voulu que le bien. Est-ce qu'ils viennent et disent directement? On ne peut pas utiliser les lois d'Allah. On ne veut pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juger entre nous, car cela ne convient pas. Ils savent que s'ils disent ça de manière explicite ainsi, les gens vont dire, vous êtes des koufars. Celui qui parle ainsi. Mais ils disent, certes, il y a le Coran, certes, il y a la sunna. Et ça régit parfaitement l'adoration et la croyance. Mais là, c'est une affaire familiale. Donc, on va mettre certaines règles et certaines lois pour qu'en cas de divergence, nous ayons une chose à laquelle revenir. Ils vont parler de la sorte pour essayer de tromper ceux qui n'ont pas étudié ou ceux qui n'ont pas une forte croyance. Mais Allah Azza wa Jal connaît parfaitement le contenu des cœurs. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre. المناسبة الآية للباء أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله والمعاصي فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. Donc l'auteur a cité ce verset sur ce chapitre pour nous montrer que celui qui appelle à revenir pour juger, qui appelle à revenir à autre que le livre d'Allah, autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui appelle au péché, est venu avec la pire des corruptions sur la terre et le plus grand désordre. نستفيد من هذه الآية التحذير من الإعجاب بالرأي. On tire de ce verset, bien évidemment, l'interdiction de revenir à autre qu'Allah et son messager dans nos affaires pour les prendre en tant que juge. On tire également la mise en garde contre le fait de s'étonner de sa propre opinion, contre l'orgueil et le fait de se dire que personne ne peut avoir une meilleure opinion que la nôtre et que toute chose que nous croyons est forcément meilleure que ce qu'un autre peut croire. Naam. Certaines personnes étudient ou n'étudient pas, et lorsqu'ils ont un avis, ils le voient comme étant infaillible et minimisent et rabaissent l'avis d'autres, alors que peut-être que ces autres sont plus savants. Tu trouves parmi les jeunes débutants, ils disent tel shir a dit telle chose, subhanallah, cette parole, ils disent par exemple c'est n'importe quoi. Mais en parlant des grands savants, ou bien des anciens parmi les ulama, ou bien disent subhanallah, il ne connaît même pas ça, même moi je le connais, ce genre de parole. Il s'étonne de sa propre personne, Adal Miski, et s'en prend à Yahni au grand, aux savants, personnes nobles et respectables. مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حقا. Celui qui a une maladie au cœur va percevoir le mal comme étant bien et le bien comme étant mauvais. Il va percevoir le bien comme étant mauvais et le mauvais comme étant le bien, de par la corruption qu'il y a dans son cœur et le manque de pureté qui s'y trouve. Husnul niyyah la yusawwiru mukhalafat ash-shar'. Le fait d'avoir une bonne intention, de prétendre avoir une bonne intention, ne te donne pas la permission de contredire la législation d'Allah. Ces gens-là ont dit, nous ne voulons que le bien et la réforme. Pourtant, on les a blâmés ici. Le verset suivant, قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآية. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ. Allah Azza wa Jal précise ici après qu'elle ait été réformée. C'est pour appuyer encore plus le reproche. Car de faire un mal, c'est une mauvaise chose par définition. Mais après la réforme, venir corrompre le bien, c'est encore pire. Ça montre encore plus le mal que la personne recherche et la gravité de ce qu'habite son cœur. إصلاح الأرض كان بإرسال الرسل ونزول وإنزال الكتب. La réforme sur la terre a lieu avec quoi? Avec l'envoi des messagers qui ont appelé au tawhid, à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et son obéissance, qui ont mis en garde contre le shirk et sa désobéissance. La révélation des livres. Donc, al-ifsad, la corruption a lieu avec quoi? Avec ceux qui viennent contredire ceux. Avec al-shirku billah. Avec al-ma'as. Avec le polythéisme. Avec les péchés, la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'inviter les gens à ce mal. Wa min dhalik, al-tahakum ila ghayri shar'illah. Et entre dans cette corruption le fait de rechercher en tant que juge autre qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici la raison pour laquelle l'auteur a mis ce verset dans ce chapitre. C'est qu'entre dans la corruption de la terre le fait de chercher comme juge autre qu'Allah et ce avec quoi il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit wa min dhalik الوقوف ضد دعوة أهل العلم ودعوة السلف. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit, et entre dans cela, donc le fait de semer le désordre sur la terre après qu'elle ait été réformée, le fait de se mettre contre le prêche des gens de science, contre le prêche des pieux prédécesseurs. Ça fait partie des actions de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Donc Ahlul Bid'ah, les gens de l'innovation, font partie des têtes de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire de jour comme de nuit. Eux viennent pour faire dévier les gens de cette voie. Sans aucun doute, ça fait partie de la corruption de la terre après qu'elle ait été réformée. Wallahu musta'an. نستفيد من هذه الآية أن المعاصي إفساد في الأرض. On tire de ce verset que les péchés entrent dans la corruption sur la terre. وأن الطاعة إصلاح للأرض. Et que l'obéissance réforme la terre. لا يكون صلاح البشر ولا إصلاحهم إلا بالتحاكم إلى شرع الله وشريعته. Rien ne pourra réformer les gens ni la terre si ce n'est le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre cela pour juge. Le verset suivant. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? هذا استفهام إنكار وللتوبيخ. Cette question a pour but la reproche et le blâme. Le reproche, pardon, et le blâme. Donc on s'adresse ici, on parle ici de ceux qui ont une maladie au cœur et qui voudraient autre qu'Allah pour juge, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour départager entre eux dans leurs affaires. وكل ما خالف شرع الله هو من حكم الجاهلية. Et tout ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jalla dans le jugement fait partie du jugement de la jahiliya. Car ce jugement est basé sur l'ignorance, sur la transgression et sur le mal. À la manière des gens d'avant l'islam, qui jugeaient par exemple que telle bête ne devrait pas être montée, que telle bête doit être sacrifiée pour telle idole, que les filles doivent être enterrées vivantes, et ainsi de suite. Tout cela fait partie des jugements des gens de la jahiliya. Ce n'est pas basé sur la science, sur la foi, sur la justice de la révélation qui a été faite sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le savant et le sage. Alimun khabir. Allah ya'alam mun khalaqa wa hal latiful khabir. Allah azza wa jalla est notre créateur. Donc il est celui qui nous connaît mieux que nous le connaissons nous-mêmes. C'est donc lui qui a légiféré. C'est donc lui qui a révélé le Coran, qui a envoyé son messager avec ceux dans quoi il y a notre bien. Avec ceux qui repoussera de nous le mal si nous le suivons. Donc comment est-ce qu'on pourrait rechercher autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger dans nos affaires? Afahukmu al-jahiliyati yabghu quddima huna al-maf'ul li ifadati al-hasr. Ici on a mis le complément d'objet direct en première position afin qu'il y ait l'exclusivité dans ce qui sera cité ici. C'est comme si nous avions dit il ne recherche que le jugement de la jahiliya. Ils ne veulent que le jugement de la jahiliya. Qu'y a-t-il meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? وَمَنْ أَحْسَنُ لَا أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. Il n'y a pas meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande ceux qui cherchent autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger dans leurs affaires. Car dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a pour nous tout le bien dans ses ordres. Et on nous préserve de tout le mal par ses interdits. مناسبة الآية للباب من ابتغى غير حكم الله فقد ابتغى حكم الجاهلين. وترسل سبعسل الشابيت car on y voit que celui qui recherche autre que le jugement d'Allah, celui qui recherche un jugement auprès d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager sallallahu alayhi wa sallam, aura cherché le jugement de la jahiliya et aura jugé, sera revenu un jugement de la jahiliya. نستفيد من هذه الآية وجوب التحاكم إلى شرع الله وأن ما خالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية. On tire de ce verset l'obligation de prendre pour juge les lois d'Allah et que tout ce qui contredit ces lois entre dans le jugement de la jahiliya. Donc celui qui prétend avoir la foi, lui cherche autre en matière de jugement que la révélation, cette personne-là n'est pas véridique. Avant de passer au hadith, on revient sur donc le jugement de prendre pour juge autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Le fait de départager entre nous dans nos disputes avec autre que la révélation. Dans les versets passés, يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Ils veulent prendre pour juge le ta'ut. حُكْمُ التَّحَاكُمْ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ. Quel est le jugement de prendre pour juge autre que les lois, le mazha, ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. مَنْ أَرَادَ التَّحَاكُمْ إِلَى غَيْرِ شَرْعِ اللَّهِ أي إلى الطاغوت إِرَادَةً وَرَغْبَةً وَإِنْ شَرَحَ صَدْرُهُ بهذا قد كفر بالله العظيم. من كان مسلما فقد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. وهؤلاء هم المنافقون حقا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى منزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والصد إعراض يصحبه غالبا استكبارا. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Donc celui, donc quel est le jugement de revenir que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé dans nos affaires en tant que juge? ماذا بارك الله فيكم. Le premier cas, c'est de la mécréance majeure. C'est le fait de vouloir, comme on nous cite ici, le fait de vouloir être jugé par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé, donc par le ta'ut. Il y a un désir, la personne est tranquillisée par cela, elle veut cela, elle recherche cela, ça c'est du kufr akbar. Et la personne n'a pas agréé shar'Allah, elle a agréé autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ou préféré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme juge. Ou bien dit qu'elle ne pense pas qu'elle pourra avoir son haq en suivant la législation d'Allah Azza wa Jal. Alors elle va ailleurs. Donc celui qui délaisse le fait de revenir dans le jugement au Coran, à la Sunna, et qui choisit autre en mettant ces autres à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et leurs paroles à la place du Coran, ou bien qui dit que dans le Coran il n'y a pas ses propos, donc il doit passer par autre chose pour avoir son droit, ou bien qui dit que autre que dans autre chose que la révélation il trouvera mieux pour lui, et toutes ces choses là, tout cela entre dans le coup Al-Akbar. Par contre, si la personne n'est pas revenue au Coran et à Sunna pour juger, mais elle reconnaît que c'est la meilleure chose, la révélation, elle reconnaît que c'est une obligation, d'accord ? Cette personne-là aura fait un péché. Cette personne-là aura le jugement de Usat al-Muahidin. Donc elle est dans l'islam, mais elle aura commis un grand péché. Elle aura commis un grand péché comme l'ensemble des grands péchés. Naam. Donc celui qui a de l'orgueil devant la sharia, celui qui ne voit pas qu'il doit se soumettre à la législation d'Allah Azza wa Jal, ou bien qui a un doute quant à la perfection de la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou bien qui a un doute quant au fait de pouvoir trouver son droit en suivant que la législation, Toutes ces choses-là font partie de la mécréance et du shirk akbar. Ou bien elle a comme croyance que la législation d'Allah Azza wa Jalla est bonne et que c'est permis de revenir à elle. Mais autre que cette législation est meilleure ou semblable. Tout cela entre également dans le kufr, comme a expliqué Cheikh Salah Sindi. Par contre, il a quand même attaqué wujub at-tahakum ila shar'illah. Lakinnahu tahakama ila ghayri shar'illah subhanahu wa ta'ala. لسبب أو آخر فإن حكمه حكم عصاة الموحدين ما لم يقع في ناقد من نواقض الإسلام. Donc dans le cas où il a comme croyance que c'est une obligation de revenir dans le jugement à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour une raison ou une autre il est revenu à autre que cela, alors son jugement sera le jugement des pécheurs parmi les musulmans qui est tombé dans un grand péché mais ne sort pas de l'islam. Une question qu'on peut se poser, c'est ma hukum, donc quel est le jugement les mani aish fi bilad al kufr an yatahakama ila mahkamati madha al kufar li akhdhi haqqi. Donc quel est le jugement de revenir aux tribunaux non islamiques pour réclamer un droit, réclamer son droit. Vous avez compris la situation ? Donc celui qui se retrouve dans une situation conflictuelle et il ne peut récupérer son droit si ce n'est en passant par les jugements autres que les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il se trouve dans un pays où on ne juge pas avec les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quel est le jugement concernant cette personne et cette action? Le Cheikh Salah As-Sindi Habidahullah ta'ala a dit: الذي قرر علماء أن هذا جائز بشروط. Ce qu'ont affirmé nos savants, c'est que c'est permis sous certaines conditions. أولا تحقق الضرر عليه. Premièrement, la certitude d'être touché par ce mal. C'est-à-dire, il ne peut pas aller porter plainte ou aller attenter un procès à quelqu'un, alors qu'il n'a pas la certitude d'être lésé dans son haqq, dans son droit. D'accord ? Thaniyan, deuxièmement, yakuna muttarran wa la khiyara lahu fil wusul ila haqqi illa min tariqi hadhihi al mahakim. Deuxièmement, c'est qu'il soit dans un cas de force majeure au point où on a la certitude qu'il ne pourra pas récupérer son droit si ce n'est en passant par ce tribunal. D'accord ? Donc s'il peut s'arranger à l'amiable, s'il peut passer par autre chose, il n'aura pas le droit de passer par un jugement dans lequel il sera utilisé autre que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'a pas la capacité de s'arranger à l'amiable, il n'a pas la capacité de se rendre à une personne qui connaît le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger et pour lui restituer son droit. Il ne trouve pas quelqu'un qui a une science législative ni un pouvoir exécutif. Donc après avoir tout tenté, il ne reste que cette solution. Troisièmement, il doit suite au jugement et récupérer que ce qu'Allah Azza wa Jal lui permet dans sa législation. Est-ce que c'est compris? Suite au jugement, il n'aura le droit que de prendre la part qu'on lui donne dans la législation d'Allah Azza wa Jalla. Il n'aura pas le droit de prendre plus. Si par exemple, dans un jugement, L'islam dit qu'il a droit à son chameau. D'accord ? On va dire, par exemple, à 100 000 euros. Et que suite à ce jugement dans tel pays, on lui accorde 150 000 euros. Est-ce qu'il aura le droit de prendre les 150 000 euros ? Non. Il devra prendre que son haqq, les 100 000 euros. Non. Car cette personne n'est pas revenue à ses tribunaux, car elle a comme croyance que c'est permis. Il a comme croyance que c'est interdit. Mais il n'a pas trouvé d'autre moyen pour récupérer son haqq, si ce n'est celui-ci. Donc il ne dépasse pas les limites. Et il y a une fatwa de Al-Lajnat Da'ima de l'Assemblée des Grands Savants qui rejoint ce que vous venez d'entendre. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, finit avec un hadith an Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Qal al-Nawawi, hadith sahih. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عبد الله بن عمر rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'aura la foi complète tant que sa passion ne suivra pas ce qui m'a été révélé. L'imam al-Nawawi a dit que ce hadith est authentique. Nous l'avons rapporté dans le kitab الحجة. Ici, il y a Al-Hijjah. Allah alam si, on l'appelle également ainsi. Donc, Kitab Al-Hijjah ala Tariq Al-Mahajjah, le Cheikh Abil Fath Nasr Al-Maqdisi. Les savants divergent quant à l'authenticité de ce hadith. Comme vous le voyez ici, l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il était authentique. Ibn Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans certains de ses livres également. Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, Hafidh ibn Hajar ibn Fath, a dit que dans ces lignes de transmission il y avait des bons rapporteurs, mais ce n'est pas la version de Abdullah ibn Amr, plutôt la version de Abu Hurayra. D'autres parmi les savants ont dit qu'on ne peut accepter ce hadith et qu'il est faible et qu'il y a plusieurs faiblesses dans ce hadith, à l'image d'Ibn Abdul de Mada, d'Ibn Asakir, il est rari, d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, d'Ibn Sharh, d'Arba'in Nawawiyya, il a dit tashihu ba'id. Yani, c'est une chose lointaine de dire que ce hadith est authentique. Il y a plusieurs problèmes dans le hadith. Il y a Nu'aym ibn Muhammad, qui est un grand savant, mais dans le hadith, il est faible. Dans le hadith d'Irab, il a cité plusieurs faiblesses dans le hadith. Mais son sens, sans aucun doute, est authentique. Hein, comme dans le Coran, la yu'minu ma'adha, fala rabbika la yu'minuna, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. D'accord ? Donc le sens qu'il y a dans ce hadith, même si ce hadith est faible, on le retrouve dans le Coran. Donc la yu'minu, le sens ici, du hadith la yu'minu, aucun d'entre vous ne sera croyant, c'est-à-dire la croyance obligatoire. D'accord ? La croyance obligatoire. L'iman et le wajib. Tant que la personne n'aura pas voulu et aimé, ainsi que détesté et rejeté selon ce qui a été révélé. Donc son cœur doit pencher vers la révélation et aller dans le sens de la révélation. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Mais non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris en tant que juge dans leurs affaires et n'auront trouvé aucune gêne dans ce que tu auras décidé et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc l'auteur a cité ce hadith pour montrer que la foi obligatoire nous entraîne, nous appelle, et la foi complète nous appelle à agréé, à aimer ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété comme jugement dans nos affaires. Donc entre dans la foi obligatoire le fait de revenir à l'législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nafi al-iman amman lam yatma'in la shar'illah. Aussi, il y a la réfutation de la foi, c'est-à-dire qu'on dit que la personne n'a pas de foi dans le cas où elle n'agrée pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui déteste ce qu'Allah a révélé, c'est un kafir. C'est min al-aqal de l'islam. Hein? Mais celui qui trouve une gêne dans son cœur, tout en acceptant les lois d'Allah Azza wa Jal, cette personne-là a un manquement dans sa foi. Cette personne-là a un manquement dans sa foi, mais elle n'est pas sortie de l'islam. Puis l'auteur a cité le athar de Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, Amir ibn Sharahi. C'est un savant d'Al-Kufa, il est décédé en l'an 103, il fait partie de Tabi'in. C'est un savant qui a cité d'autres dates. Mais le athar est mursal car il fait partie de Tabi'in, il n'a pas vu, il n'a pas plutôt entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous dit كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة أو الرشوة أو الرشوة أو رشوة فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلم أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة قبيلة من قبائل العرب يتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين زعموا الآن رحمه الله تعالى a fini ce chapitre en citant deux textes qui expliquent la cause de la révélation du premier verset. Le premier, le athar de Al-Sha'bi. Al-Sha'bi, c'est un grand savant. Sur son nom, il se nomme Amr. Il y avait une dispute entre un hypocrite et un juif. Ce dernier a dit, allons nous départager auprès de Mohammed. Car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas les pots de vin. Les pots de vin, c'est un bien, de l'argent que tu donnes à une personne afin d'obtenir quelque chose. Ça fait partie des grands péchés. Si tu fais cela pour outrepasser les règles, donc pour obtenir une chose qui ne te revient pas de droit, ou pour repousser de toi un mal qui te revenait de droit. Dans le cas contraire, si on t'a empêché un droit et que tu payes pour avoir ton droit, ça ne rentre pas dans le péché. Comme a expliqué Ibn Hazm rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les Quant à l'hypocrite, il déclara « Allons plutôt nous départager auprès des juifs. » Donc le juif a dit « On va voir Mohammed pour qu'il juge entre moi et toi. » Donc lui, c'est un juif, c'est un hypocrite. L'hypocrite a dit « Non, on va se départager auprès des juifs. » Car il savait que ces derniers les acceptaient. Alors ils se sont mis d'accord pour aller se référer à un devin de la tribu de Juhayl. Donc les devins, c'est ceux qui prétendent connaître la science de l'invisible ou du futur. Et une chose qu'ils faisaient à leur époque, c'est également qu'ils revenaient à eux pour les jugements. Allah a donc révélé le verset « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir la foi ?» Une autre cause, وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فَقَلَ أَحَدُهُمَا نَتَرَافَعُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر ابن الخطاب فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Il fut aussi dit que le verset a été révélé au sujet de deux hommes qui se sont disputés. L'un d'eux a dit « Allons régler notre différend auprès de Mohammed ». L'autre a répondu « Allons plutôt voir Ka'b ibn al-Ashraf ». Donc c'est un juif arabe dont la mère faisait partie de Banu Nadir. Cette personne avait beaucoup d'inimitié envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc finalement ils sont partis voir Omar. L'un d'eux lui confia l'affaire. Lorsque Omar a entendu que l'hypocrite a refusé de prendre pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que ça s'est passé véritablement ainsi, il lui a dit. Alors Omar le tua d'un coup d'épée. C'est un récit qui est connu, mais malgré ses nombreuses chaînes de transmission, il y a certaines faiblesses, certains savants l'ont accepté, et d'autres ont dit que dans chaque chaîne de transmission, il y a une faiblesse. On voit ici que on voit que les gens les plus vils sont les hypocrites. Même les gens du livre peuvent accepter de revenir au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'hypocrite lui n'a pas voulu revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il montre en apparence qu'il fait partie des croyants. Mais ça, bon, c'était plusieurs causes, 4 ou 5 causes de révélation, et c'est l'auteur, rahimahullah ta'ala, en a cité 2. Donc l'auteur a cité ces textes pour montrer la cause de la révélation du premier verset du chapitre. Et que le fait de vouloir, de ne pas vouloir le jugement du prophète sallam et de vouloir le jugement du Tarout fait partie de l'hypocrisie et de la mécréance qui annule l'islam et le tawhid de la personne. فأن إرادة التحاكم إلى غير شرع الله شرك وكفر وردة. On voit également que le fait d'appeler à juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal est partie des caractéristiques des hypocrites. Que le fait de connaître la vérité n'est pas suffisant, il faut aussi s'y soumettre et d'accepter la mettre en pratique. Donc à travers ce chapitre, il y a une grande sensibilisation sur le fait de ne pas minimiser le fait de juger par autre que l'Allah, ou de revenir, plutôt plus précisément dans ce chapitre, c'est quoi? At-tahakum. C'est-à-dire que toi et moi nous divergeons sur une chose, auprès de qui on va revenir pour qu'ils jugent entre eux. Et ça, c'est à ce sujet, ou bien c'est ce sujet que traite ce chapitre. Donc c'est une chose importante, ça rentre dans le tawhid, ça fait partie de la shahada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc, sahib al-tawhid ne doit pas avoir de manquement dans cela, particulièrement en tant que fitan. En tant que fitan, les gens perdent leur repère. Mais sahib al-tawhid, yathbut. En tant que fitan, sahib al-tawhid doit être ferme. Hein? Lorsqu'il y a un meurtre, est-ce que toi, tu vas à ton tour aller tuer lui, plus son frère, plus sa famille, comme le font certains, en agissant à la manière des gens de la jahiliya? Lorsqu'une personne t'a fait une injustice, t'as opprimé, est-ce que toi, à ton tour, tu vas l'opprimer et faire comme on te sent, ou bien tu vas regarder ce qui t'a été légiféré, ce qui est permis, et revenir à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. En temps de divorce, est-ce que tu vas retirer la dot qui revient le droit à cette femme, opprimer cette femme, ne pas l'entretenir durant la période de l'éduité, la sortir de son foyer, comme certains parmi les injustes le font lorsqu'ils n'en ont pas le droit. Cette femme, est-ce qu'elle va outrepasser également les lois d'Allah Azza wa Jal? Et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie en tant que fitan, lors du partage de l'héritage, et ainsi de suite. Les gens qui craignent Allah Azza wa Jal doivent garder leur repère en tant que fitan. Et subhanallah, une chose que tu considères minime peut te faire sortir de l'islam. Hein? Lorsque la personne a de l'aversion, par exemple, pour ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa billahi al-tawfiq, wa sallallahu ma barik ala nabina Muhammadin wa ala wa sallallahu ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.